Ajá. Oy, oy, oy. Ah. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Ay, ay, ay. Ay, oy, oy, oy. Ay, oy, oy, oy. Ah, ah. Ah, ah. Mwen pe pa anko Mi siye wè mwen pe pa Siye mwen pe pa jen Mwen para mwen pou wipi nobel Mwen fè pe ou komans Ou fè moun wi mwen A jamè jamè mwen kalou Pire de la posita Sa mwè ali Sa ke diminye Sa mwè ali A sa ke rase si Vérité grand chose encore Sa mort mais Ça qui t'a fait moins pile la peine Ça fait que jamais, jamais Comme d'habitude Pour l'y faire ça démarrer Obligé piquer Oui, pé décoller Obligé piquer Oui, pour pire Sa mort en mes ailes Sa mort en mes Sa mort en mes ailes Sa mort en mes Oh là où j'avoue ça Sa mort en mes Oh les jeunes là-bas moi Oh les jeunes là-bas moi Aïe ta belle la belle On a que des mailles Si vous voyez y'a une gratte Gratte la dénormale Bagay semanse rendu le monde Ah ah Tout là Sa mort est allé Et qui semanse Sa mort est allé Obligé piqué Sa mort est allé Oh ici au ville opéré Sa mort est Oxygène à moi, oh oui, mais c'est pour ça, tu m'en vas d'elle.